Ici personne va s'aider. Les cups c'est comme les stalactites, ça tombe sur toi en été. Mayday, mayday, dis-leur qu'ils aiment un bébé. Pareil que toi tu chantes la strip, mais moi je veux voir ton CV. Mayday, mayday, ici personne va s'aider. Les cups c'est comme les stalactites, ça tombe sur toi en été. Mayday, mayday, dis-leur qu'ils aiment un bébé. Pareil que toi tu chantes la strip, mais moi je veux voir ton CV. Mayday, mayday, ici personne va s'aider. Nous on va caillasser les stars jusqu'à qu'ils viennent nous péter. Maybach, Maybach, tout le monde s'en fout de ton comeback. Donne un froid à la juge, accuse au teint, ici c'est comme d'hab. Bang bang, t'as vu, ça tire dans tous les coins de rue. Kennedy veut lever sa main, les snipers donnent leur point de vue. 9-3 gangster, tu peux remercier feu vert. Longue vie à ton auto, on aurait fait ta portière. Étrange, étrange, à cause d'une chatte tes frères changent. La religion me fait respirer, la laïcité m'étrangle. Big rap, big rap, les keufs t'embarquent pour entrave. Dans les embrouilles on porte nos couilles, nous prend jamais pour des traves. Mayday, mayday, ici personne va s'aider. Les keufs c'est comme les stalactites, ça tombe sur toi en été. Mayday, mayday, dis-leur qu'ils aiment un bébé. Pareil que toi tu sors de la strip, mais moi je veux voir ton CV. Mayday, mayday, ici personne va s'aider. Les keufs c'est comme les stalactites, ça tombe sur toi en été. Mayday, mayday, dis-leur qu'ils aiment un bébé. Pareil que toi tu sors de la strip, mais moi je veux voir ton CV.